tous les temps, je veux dire. Bonsoir à tous et à toutes pour l'émission Very Good Bad Movies numéro 21 avec deux invités très intéressants et avec une personne de mon équipe puisqu'ils ont, les autres ont abandonné le bateau à cause de leur métier, à cause de leur boulot. Ils sont tous un peu comédiens, ils sont tous un peu étudiants, donc ils ont tous un peu des emplois du temps super chargés. Honte à eux. Ah oui, honte à eux, mais bon, je leur pardonne parce qu'ils seront là la semaine d'après. Donc avec moi Vincent, comment ça va Vincent? Bonsoir, ça va très bien, merci. Ça va bien, comment ça se passe le théâtre là avec Lavara en ce moment? Mais ça continue. Est-ce que les salles se remplissent? Oui, mais venez nous voir, hein, venez nous voir au théâtre Espace Marais pour l'Avare de Molière. Voilà. Et mon petit gars, j'ai regardé les prix sur Billet Duc, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, bon, c'est quoi, c'est 10 euros, 15 euros la place, 34 euros, première catégorie. Non, mais attention, oui, pour parce les que... places les plus chères, mais il y a pas mal de promos sur Billet Duc. Monsieur gagne bien sa vie. Non, mais en plus, quand même, c'est une troupe assez... À 12 euros, oui, c'est vrai. Non, mais vous êtes combien en fait en tout dans cette troupe-là? Alternant compris, on doit être une vingtaine à peu près. Une vingtaine, ouais, ouais. Ok. Super. Et prochaine pièce ou pas déjà en préparation ou pas, ou comment ça se passe? En fait, c'est une compagnie où on joue les mêmes pièces année après année. Donc L'Avare, Le Malade Imaginaire, Antigone de Cocteau et L'Île des Esclaves de Marivaux. Eh bien, très intéressant. Voilà. J'irai te voir un de ces quatre. Bah, avec grand plaisir. Tu auras ma présence dans ce spectacle, dans cette salle, avec ma petite amie. Je viendrai voir en couple. Ah bah, je te ferai une invitation. C'est gentil. J'ai fait exprès pour avoir l'invitation gratuite, bien sûr. Avec nous aussi, le revoilà, Solal Moisan. Comment ça va, Solal? Eh bien, ça va très bien. Ça va de payer sans partir? Plutôt de partir sans payer? Alors, oui, c'est très agréable, oui. Surtout pour un petit verre de vin comme ça, très appréciable. Non, je suis vraiment désolé, voilà, j'ai pas payé la dernière fois, mais je vais me rattraper. C'est pas grave, on t'a invité, voilà, on t'invite jusqu'au bout, c'est comme ça, c'est la vie. Ça marche. Avec toi, tu nous as ramené ton acolyte, on peut dire ton partenaire. On peut dire l'acolyte pour faire référence. L'acolyte. Partenaire, je n'irai pas jusque là quand même. Et alors, il faudra juste parler dans le micro. Partenaire, je n'irai pas jusque là. Hein. Ah oui, à ce moment-là. La blague. Ah, bah, bon. Parce que toi, tu es. Alors, présente-toi, je t'en prie. Prénom, nom, adresse. J'ai l'impression d'être à la police. Prénom, nom, adresse, date de naissance et tout ce qui suit. Non, quel est ton nom et quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Daniel. Et mon nom de famille, c'est Sicard. Daniel Sicard. Tout à fait. Et quel est ton on va dire ton poste au sein des indécis? Bah ça a varié, disons. Monsieur a eu une promotion. C'est un peu ça. Non, on a commencé en fait avec Solal à réaliser nos films en binôme. Ouais. On est même en trinôme, mais en fait, donc Oscar qui aurait pu être là ce soir, big up à lui. En fait, fait partie de ce cœur de l'équipe avec lequel on réalise nos films. Et puis en fait moi je me suis beaucoup orienté dans un premier temps sur l'image, puis depuis maintenant 2 ans avec la théorie des vaches, ça a été ma première expérience de composition à l'image, puis c'est devenu en fait mon passe-temps favori, si je puis dire. Et donc j'ai fini par surtout m'orienter là-dessus. Donc, d'accord. En gros, plutôt réalisation, plutôt composition. Juste avant de continuer, des petites questions par rapport au court-métrage La théorie des vaches, parce qu'on a parlé de l'acolyte la semaine dernière, là on va parler de celui-ci, La théorie des vaches, qui a été très intéressant pour moi. Je le préfère à l'acolyte, je t'avoue. Ok, très bien. Il y a un petit côté film d'horreur, mais pas trop, donc c'est assez ambigu, okay. C'est ça que j'aime bien. Juste avant, je parlais du box-office de la semaine dernière, avec en tête La Ch'ti de famille, avec 3 753 000 spectateurs en cumul. Deuxième position, Black Panther, 2 939 000 spectateurs, gros carton pour le nouveau Marvel. Troisième position, Forme de l'eau, ça a remonté, et grâce bien sûr je pense aux Oscars et à certains prix très importants comme le titre de meilleur film et meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro, avec 862 000 spectateurs. Labyrinthe, 2 630 000 spectateurs, et ensuite Les Tuches 3 avec 5 501 000. Bien sûr, je parle bien sûr des cumuls, donc on cumule bien sûr toutes les semaines, puisque sinon c'est pas très logique d'avoir 5 millions en dernier et 3 millions en premier. Et le perdant, mais pas vraiment, c'est Disaster Artist avec 37 000, mais comme il y a une soixantaine de copies dans toute la France, c'est assez normal d'avoir un petit score comme celui-ci, mais quand même c'est un peu une déception pour ce film, avec, n'oublions pas, le Golden Globes pour James Franco en tant qu'acteur. On va parler de certaines news, on va parler d'OSS 117, on va parler de Kristen Stewart et de George Lucas, mais avant ça on va parler... bien sûr, de La théorie des vaches. Donc, pour parler de ce court-métrage, Déjà, tout de suite, c'est quoi ce titre? qui s'est dit, tiens, on va parler des vaches? Bah Daniel, va répondre à cette question, parce que je crois bien que c'est toi qui as trouvé cette idée. Ouais, en fait, c'est parti d'une anecdote que j'avais entendue, je sais même plus qui me l'a racontée, qui disait que pour que la viande des vaches soit tendre, il y a une technique qui consiste à leur faire écouter de la musique classique. Et ça fait qu'elles se détendent, et en fait, après, enfin, juste avant de les tuer, on leur fait écouter de la musique classique, et ça fait que le steak est plus tendre. Voilà, donc on était parti là-dessus, comme on était tombé sur Comédie Noire, donc bon, on trouvait que ça matchait bien. Puis on était dans un beau château, donc on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose avec ce château. Comment vous avez eu ce château? C'est-à-dire que c'est un ami d'un ami, ou fait une demande à la mairie? Quand on a commencé les 48 heures, on s'est dit qu'on allait prendre... nous, on était à Toulouse, on allait à Clermont-Ferrand pour faire le film, et on voulait trouver un endroit un petit peu sympa pour nous inspirer, tout ça. Et en fait, c'était tout simplement un Airbnb qui ne coûtait pas très très cher. La désillusion. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça nous a permis d'avoir un bel endroit pour filmer. Parce que c'est quand même assez charismatique, un château, quoi. J'imagine bien, tout simplement. Mais pour tout ce qui est son, quand même, technique sonore, c'est un peu compliqué, parce que normalement ça résonne dans un château, si je ne me trompe pas. C'est vrai que ça résonnait sur quelques salles, mais en vrai ça allait, parce que finalement... C'était pas non plus un château, enfin, comment dire, c'était moins spacieux qu'un château, quand même. Ça fait plutôt maison... Maison d'hôte, un petit peu. Oui, c'était une maison d'hôte. Donc qui a commencé à écrire le scénario en premier? Qui a eu l'idée principale, entre guillemets? En fait, quand on écrit quand même à trois tout le temps, enfin surtout dans en 48 heures, on est tous les trois d'un coup et on balance les idées. Et donc, alors, Nicolas. Il y avait Nicolas, pardon. Nicolas Monnier qui était là aussi. Ouais. Donc on était quatre. On était quatre et dans une chambre cloîtrée comme ça, et donc on balance les idées et ça prend ou ça prend pas, en fait. Et donc je pense que Daniel a dû balancer une idée comme ça. Je sais qu'on a parlé à un moment donné d'un papy qui était enterré dans un château comme ça, et qui voulait pas admettre que la guerre n'était pas, enfin il pensait que la guerre était toujours en cours. Je crois que c'est Oscar qui avait amené cette idée, et voilà, en fait on passe par plein d'idées et c'est celle-ci qui a émergé et qui a fait le plus de chemin, et très vite on sait que c'est la bonne, quoi, quand c'est comme ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce que parce que moi, quand j'ai vu le court-métrage, personnellement, je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une impression de déjà vu. Ouais. Pas dans l'acolyte, parce que même si ça parle de magie, qu'il y a beaucoup de films qui parlent de magie, un peu de fantôme aussi, on peut le dire. Mm-hmm. Il y a ce mélange-là, il y a l'ambiguïté. Là, ça parle, on va dire, on peut dévoiler ou pas. Ouais. Ça parle de cannibalisme. On peut dire ça comme ça. Ah ouais, direct, quoi. Ah mais non. Moi j'ai pensé à une chose aussi, c'est-à-dire qu'on peut... Spolier, non mais le film, c'est... Ouais. Non. Mais c'est un court-métrage. Non mais c'est un court-métrage, on peut spoiler sans souci, parce que même si on spoil, on va prendre du plaisir à voir ce film-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, parce qu'il y a certaines personnes qui captent dès le début. Sans te vexer, on le capte assez vite. Oui, écoutez, ça dépend du public. Les initiés le voient très vite, les non-initiés... Comme ma maman aussi. Comme nos mamans, sont étonnés à la fin. Voilà. Et donc, en fait, il y a même des gens qui ne comprennent pas. Enfin, bon, ils sont assez rares, c'est des cas peu fréquents. Mais il y a des gens qui ne comprenaient pas, même au moment où il dit ça vous dérange si je mets du classique. Donc c'est quand même. Bon, si on n'a pas compris avant, généralement on comprend ici. Et il y en a même qui ont eu besoin de cette dernière scène qui est, bon, clairement. Un genre de rappel, juste pour montrer que c'est une boucle. Y en a qui ont besoin de cette scène pour comprendre. Mais c'est fou quand même, parce que moi justement je trouvais qu'il y avait beaucoup d'indices. Et, vous enfonciez le clou. Alors plusieurs reprises. C'est parti d'une peur, en fait, qu'on avait. On a parlé la dernière fois. Oui. D'accord, mais parce qu'on a vu beaucoup de films. Bon, je vais pas revenir trop là-dessus si jamais vous en avez parlé, mais on a vu beaucoup de films étudiants. De notre entourage étudiant, tout simplement, et puis dans des concours de films où à part le réalisateur, personne n'a compris. Et donc nous, et puis il y avait des films souvent sans dialogue, donc nous on était partis dans ce premier 48 heures avec un peu deux contraintes en plus. C'était vraiment mettre du dialogue, faire du dialogue. On avait des bons acteurs, donc autant en faire, et faire un film que tout le monde peut comprendre. Voilà, donc en fait, oui, on a surchargé. Mais on voulait, En fait, on trouvait que, bon, si jamais on comprenait dès le début, on prenait quand même plaisir, juste au moins, à regarder cette espèce d'échange bizarre. Enfin, y a ça parle plus d'étrange que de cannibalisme, au final. Oui, bah, du coup, ça apporte une ambiance un peu étrange. J'ai trouvé cette multiplication des indices parce que ça commence de manière plutôt légère. Mm-hmm. Bon, à la fin, on se dit, bon, c'est bon, on a compris. Mm-hmm. Mais du coup, on se dit, s'il y a autant d'indices, peut-être que c'est pour brouiller les pistes. Mmh, c'est ça. Abandonner. En fait, t'as l'ambiguïté de l'ambiguïté. Oui, mais c'est ça. On se dit, non, mais ils vont nous piéger, c'est pas du cannibalisme, tu vois. Et après, à un moment donné, je me dis, bah, ça va être un truc tout con, tu vois, ça va être un truc comique, en fait. Je me dis, ça va être une vanne ou une note, l'identité de la personne, parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une petite vanne, juste un truc de coupe, peut-être il fait du speed dating, le gars, et puis. Ouais, c'était l'idée du truc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on faisait peur un petit peu aux spectateurs en disant attention. Et puis à chaque fois, on remet un petit coup dans le sens du poil, histoire de rassurer. Quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire. On aurait voulu mettre l'accent un peu plus là-dessus, c'est-à-dire qu'on était vraiment parti sur. Mais peut-être pas autant qu'on l'aurait voulu, dans la mesure où on était vraiment parti sur quelque chose où on faisait vraiment faire des. Une espèce de grand 8 au sentiment du spectateur. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment. Ah, il est très bizarre. Ah non, en fait, tout va bien. Mais en fait, ce tout va bien paraît trop bizarre. Donc, surtout dans la séquence amoureuse, entre guillemets, là, c'est là que ça bascule vers autre chose. Ah ouais, c'est vrai. Bon, du coup. Bon, en tout cas, on ne dit pas qui a mangé qui et qui a aimé qui. Donc, suspense. Le mystère pour se rattraper. Ça. Non, mais je suis très sérieux. Tu peux spoiler, il n'y a aucun souci dans ce court-métrage, en fait. Bah, c'est toujours sympa de pas connaître la fin. Parce que ben, c'est vrai que ben, voilà, une personne qui n'est pas forcément habituée au truc, ça peut être sympa aussi pour elle de se dire tiens, ok, tu vois. Oui, mais en même temps, on le comprend quand même assez vite. Bah, tu disais que les non-initiés, non. Mais quand même, on a un doute. Donc déjà, le doute nous met dans... Parce que pourquoi je spoil entre guillemets? Parce que ce qui m'a intéressé, moi, dans le court-métrage, et si je peux en parler, parce que sinon, si ça ne me permet pas d'en parler, en fait, si je ne dis pas qu'il est cannibale, le personnage principal. Comme ça, je spoil jusqu'au bout. parce que le comédien a réussi, moi, je trouve, et ça, c'est quand même génial dans un petit festival de 48 heures. C'est le comédien a réussi à mettre une psychologie en 48 heures dans un personnage. Et c'est ça qui moi, m'a vraiment, j'étais bluffé par ça. C'est-à-dire que j'étais dans une web-série, je pensais vraiment, on était vraiment dans l'histoire, dans la psychologie du personnage, dans la complexité. Il a eu le prix du meilleur acteur, d'ailleurs. Bah, il le mérite, parce que juste en trois mots, en un regard, on a déjà compris. Mmh. On a déjà compris que le mec était pas net, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, il cache quelque chose, ouais. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et le titre, quand même, est très bien choisi, quand même, par rapport à votre mécanique et à cette boucle, comme vous dites. Non, franchement, j'étais très, très content par ça. Après, moi, j'ai une petite question quand même. Est-ce que vous copiez pas quand même un peu sur les Américains? Mais c'est juste une petite question. Parce qu'il y a beaucoup d'inspiration quand même. Okay. Je prends juste par exemple celui-ci. Ça m'a fait penser un peu à Sweeney Todd. Avec la partie. Forcément, on y pense. L'auberge. Timberton. Voilà, qu'il y a un personnage qui gère une auberge. Ils disent tiens, on n'a plus de viande, on est pauvre, comment on peut faire? Et en fait, ils tuent des personnes et ils vendent de la viande à partir d'humains, en fait. Ils tuent et après, ils vendent de la viande. Ok, je l'avais pas vu du tout. Et, mais ça m'a fait vraiment penser à ça déjà de un. Oui, et Barbe Bleue, peut-être. Nous, on nous a. Parce que vous voyez comme des références. Et puis Hannibal Lecter aussi, autant que je vous dise. Oui, voilà. C'est le premier truc qui est arrivé tout de suite. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on n'a vu aucun des trois. En tout cas, pour ma part. Ouais. Barbe Bleue aussi, on connaît tous le conte, tu vois. Oui, on connaît le conte, mais c'est vrai que pour le coup, en fait, tu disais que tu le sentais moins dans l'acolyte. Pour le coup, l'acolyte est plus référencé que. Enfin, en tout cas, moi, c'est parti. Référencé à quoi, par exemple, l'acolyte? Parce que ça, j'ai pas vraiment. À part peut-être Insaisissable, mais je pense pas, parce que ça n'a rien à voir. Non, c'est parti de. C'était un mélange entre le Prestige. The Big Fish. Ah oui. Big Fish. Bon, alors c'est. Et puis, il me semble qu'il y en a un troisième, mais en tout cas, c'était les inspirations principales. Parce que, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à traduire avec le peu de temps qu'on avait, mais en fait, on laissait quelques indices à la fin. C'est bisous, bisous, les copains, non? on laissait quelques indices à la fin pour laisser le doute sur le fait que peut-être il avait tout inventé ou pas. Bon, en fait, rien que la présence du magicien vieux pose la question. Mais ça, c'est parti de Big Fish. Et le prestige, bon, je pense que c'est surtout dans le côté magicien, dans le côté duel de magicien aussi, même si on n'a pas beaucoup exploité le rival. Mais en fait, la théorie des vaches, moi, c'est, en tout cas pour ma part, j'avais l'impression de créer quelque chose, enfin vraiment d'inventer quelque chose. Bon, alors après, il y a des gens qui nous ont dit, bon, a priori non. En fait, le simple fait que le scénario est quand même très simple en quelque sorte, puisque c'est quand même. Enfin, il n'y a pas un développement de fou dans l'histoire. Et donc, du coup, effectivement, ça peut très vite te faire penser à des choses. Enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est que les histoires sont quand même très courtes. Donc, effectivement, bah, on est, même si on ne le veut pas, influencé par notre inconscient, en quelque sorte, de créer une histoire. En fait, le fait d'avoir pris cette histoire et de la développer sur, je sais pas, sur la profondeur du personnage, on se serait peut-être éloigné de ce que tu connais, tu vois. Mais là, en 7 minutes, je pense que c'est un peu trop court, quoi. Mais moi, je pense que vous auriez peut-être dû, alors ça c'est facile de le dire, vous auriez peut-être dû, mais bon, faites ça en 48 heures, mais peut-être plus concentré sur le dialogue. Mais même un. Oui, parce que c'est ça qui m'a plu, moi personnellement, je parle en tant que spectateur, ce qui m'a le plus plu dans votre court-métrage, c'est les dialogues du personnage principal. J'ai trouvé ça bien travaillé, et surtout on pouvait aller encore plus loin et aller plus en profondeur, en fait. Et ce que tu dis, c'est assez simple quand même comme intrigue, et c'est vrai qu'on le ressent quand même, cette simplicité-là, quelque chose un peu comme, tu sais, un conte pour enfants. Tu sais, souvent dans les contes pour enfants, non, bah après ça n'a rien à voir avec pour un conte enfant, mais souvent pour les contes pour enfants, il y a 20 pages, mais c'est écrit en grosses lettres, donc ça fait une histoire très basique, très simple, qu'on peut raconter un petit peu rapidement avant d'aller se coucher. Bon, là on n'est plus dans le même univers, mais ça fait ça un petit peu, genre on peut le raconter assez facilement, parce que t'as des films où t'en as pour 3h30 pour expliquer Matrix, et par exemple, ou Cloud Atlas aussi pour ceux qui l'ont vu. Et puis t'as des films où en 1 minute 30 tu expliques, c'est assez simple, ouais, paf. C'est un concept. En fait, on rigolait avec Daniel parce qu'on est en train d'écrire un truc avec un conte. On est en train d'écrire un conte raconté. Concrètement, mais je pense qu'on est un petit peu dans cet univers-là. On aime bien ces histoires assez simples qui ont quand même une morale en final. On sent que vous êtes un peu des. Parce qu'il y a les réalisateurs auteurs, il y a les réalisateurs poètes, et il y a les réalisateurs aussi qui aiment fabriquer. Vous êtes quand même dans la fabrique de films. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans la fabrique, dans le sens où vous êtes capable, moi je pense, après on verra, mais vous êtes dans le système de faire des blockbusters, mais ouverts d'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens où vous êtes des. Voilà, on sent qu'il y a de la fabrication, on peut vous donner en fait n'importe quoi, vous pouvez le faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, on peut te donner n'importe quel thème. Du 48 heures aussi. Mais c'est ça. Oui, il y a un petit peu de ça aussi. Ouais. Fabriquer quelque chose très vite. En fait, le fait qu'on ait fait pas mal de 48 heures, ça nous a aussi demandé d'explorer des genres de films qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, à un moment donné, on a dû faire du burlesque. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, vraiment. Au final, on a. Enfin, il y a des gens qui sont habitués au burlesque qui nous ont dit que c'était pas assez burlesque. Oui, voilà. On a vu que c'était. Pas notre genre de film. Ouais, voilà. Après, c'est assez difficile parce qu'on peut mettre en catégorie. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que si on fait par an par catégorie, il y a le côté Spielberg, un petit peu blockbuster, un petit peu conte pour enfants aussi, des moments, des films pour enfants, des films un peu grand spectacle. Il y a Terrence Malick, poétique, et on va jusqu'à quelque chose d'onirique. Et puis, il y a les catégories ici, films, on va dire, d'auteur très profond, très peu de style dans tout ce qui est montage, etc. Exactement. Et puis, moi, je vous mets plus dans le côté Spielberg, un petit peu, pas plein d'effets spéciaux, mais plus grande histoire. Je vois ce que tu veux dire, parce que, en fait, et c'est aussi c'est sans doute un désir qu'on a, quand même, c'est parce que la définition de blockbuster, pour ceux qui la connaissent pas, c'est donc essayer de parler au plus grand nombre pour essayer de faire, au final, du coup, pas mal d'argent. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et enfin, en tout cas, le blockbuster qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi un de nos principes, c'est de faire de l'argent. Et non, je rigole. toujours la même blague depuis 2 semaines. Non, surtout, c'est surtout essayer de parler aux petits et aux grands, en fait, tout simplement, et par la même histoire et sous différentes lectures. Et c'est un défi pour nous parce que c'est pas simple quand on écrit. Oui, c'est pas évident. C'est vraiment une prise de tête, quoi. Oui, comme une fable, quoi. Une fable, si un enfant la lit, bon, il va voir le renard et le corbeau, puis ça va l'amuser, c'est ces dialogues entre des animaux. Puis quand un adulte les lit, il voit autre chose, il voit la morale derrière. Donc oui, effectivement, on a ce côté-là où on a envie d'essayer de parler au plus grand nombre et pas d'avoir simplement un public. On n'a pas envie d'avoir une communauté bien précise. On aimerait bien que ça touche le plus grand nombre. On a des amis qui font du cinéma très spécial. Puis c'est aussi pour ça que ça me faisait rire quand tu disais que, qu'on fabriquait, parce qu'on a un ami qui, pour le coup, fabrique vraiment ses films. C'est-à-dire qu'il fait des choses en carton, comme ça. C'est pas du tout péjoratif. Il construit vraiment ses films. C'est un plasticien. Donc bon, je ne nous trouvais pas du tout à ce niveau-là. Mais oui, on a ce désir-là, en tout cas. De... Ce que je veux dire par fabrication, c'est qu'on sent qu'on peut vous donner un scénario déjà écrit, mais que vous pouvez le réaliser sans problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais c'est un peu... Parce qu'il y en a certains, ils font ça, et puis c'est une catastrophe, le film, parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Souvent, il y a des grands réalisateurs qu'on connaît dans les films indépendants, et qui, tout d'un coup, on leur donne un scénario déjà écrit, et ils ont $50 millions pour faire le film aux États-Unis, et puis on se rend compte que le film, bon, bah... pas extraordinaire, quoi. On aurait pu donner à quelqu'un d'autre. Et souvent, ça fait un flop. Mais voilà, vous avez ce style-là, on sent qu'il y a ce côté, comme vous disiez, pas plaire à tout le monde, mais être ouvert à tout le monde, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un truc qui est en train de se perdre un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un scénariste arrive avec un scénario qui est intéressant, tout de suite, les producteurs, en fait, vont lui demander, mais tu veux pas le réaliser? Et c'est pas forcément, en fait, la posture du scénariste. C'est pas forcément son souhait, en fait. Et je trouve que c'est un peu un truc qui se perd, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être réalisateur? Et surtout, quel est le but du réalisateur? Quel est le travail qu'il y a derrière? Parce que tout ça, c'est un petit peu mélangé, scénariste, réalisateur. Même si nous, on est obligé d'ailleurs d'écrire nos propres scénarios pour l'instant. Mais ça serait un bon exercice pour nous. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ce truc-là de réaliser un truc qu'on n'avait pas écrit. Mais ouais, ça nous, enfin, par exemple, c'est un truc qui pourrait nous botter aussi, hein, de faire des choses. Clairement. Avis à tous les scénaristes qui nous écoutent. Ouais, nous, c'est fou le scénario. Voilà. Petite question quand même sur la théorie des vaches. Pourquoi? Pourquoi ce court métrage? Parce que vous n'avez pas répondu à cette question. Les contraintes, bon, déjà. Les contraintes, mais pourquoi ce sujet-là? Alors là. Pourquoi on n'a pas parlé de Bisous les nounours et de Chantal Goya, par exemple? Non, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi ce côté un peu dark? Je sais pas si on va pouvoir donner une raison. Alors, bon, nous, déjà, on n'avait pas envie de s'aventurer dans des terrains glissants, puis de parler d'un sujet, par exemple, je donne des exemples, mais que ce soit politique ou écologique ou peu importe, en 48 heures, parce qu'on était sûr de se planter, enfin, on était sûr de mal le raconter. Ça nous est arrivé un jour de faire un 48 heures un peu plus sérieux, un peu plus avec un peu plus de fond, disons. Et ouais, on a eu, même si bon, c'était pas la majorité, mais on a eu des reproches à ce niveau-là qui nous disaient voilà, attention à ce que vous dites quand même, parce que bon voilà, il y a des sujets sur lesquels il faut se renseigner. Un film sur un certain sujet, normalement, il se travaille vraiment en amont. Tu parles duquel là? It's Time. Ok. Bon, c'est, encore une fois, ça a été. On parlait de résistance, et donc bon, on l'a pas vécu. Donc concrètement, on s'est pas renseigné pendant des années, des mois avant de faire ce court métrage. Et donc, on avait envie, en plus du fait de se dire, on veut des dialogues, on veut un film que tout le monde comprend. Je pense qu'on avait aussi envie de faire quelque chose d'assez léger et pas trop risqué. Ouais, pas trop risqué. Et puis. Qu'on se sente pas, comment dire, c'est qu'on se pas prétentieux, mais c'est vrai que, enfin, qu'on avait peur qu'on nous trouve prétentieux de faire aussi un film faussement engagé, enfin pas faussement engagé, mais engagé maladroitement, disons. Oui. Donc. Ouais, et puis il y a ce côté-là aussi. On voulait un truc, enfin, on voulait pas un truc non plus trop profond, ne serait-ce que là, je pense à tous les films. En fait, la première chose qu'on s'est dite avant de faire ce 48 heures, c'était faire autre chose qu'un film étudiant. Et pour nous, ça veut dire beaucoup déjà. Ouais. C'est quoi pour toi un film étudiant? Avis à tous les étudiants. Non, en fait, pour nous, cliché du film étudiant, ça va être. J'ai peur de toucher un petit peu l'ego de certains réalisateurs, mais. Non, il y en a qui le font très bien, donc pas de souci. Oui, voilà. C'est souvent un film en 4 tiers parce qu'on essaie de se démarquer. C'est souvent un film en noir et blanc parce qu'on a une mauvaise caméra, donc on essaye d'avoir une belle image en noir et blanc. C'est parce qu'on n'a pas de lumière aussi, tout simplement. C'est souvent un film qui bouge beaucoup parce qu'on n'a pas de trépied pour le. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui bouge pas assez du tout. Oui, aussi. Ou alors c'est un plan fixe. Et voilà. Et donc. Et surtout, hélas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un film que peu de gens comprennent. Parce que du coup, on a essayé de donner un truc, un style, tout ça. Et on oublie un petit peu le spectateur. Et même nous, c'est une des règles des fois qu'on a peut-être pas assez, qu'on sait pas assez donner, c'est-à-dire que tout le monde comprenne. Parce que la théorie des vaches, c'est une chose, mais les autres films ne sont pas forcément aussi simples. Et donc voilà, on voulait essayer de se démarquer, de faire un truc assez simple et se dire on le fait bien et on essaye de toucher les gens à travers de cette histoire, quoi. Même si elle est peut-être un peu simple, au moins elle marche, on pense. Elle marche. Encore une fois, c'est pas un reproche qu'on fait aux réalisateurs qui font du 4 tiers et du noir et blanc. Ça peut être un choix. On est plutôt contre ceux qui le font un peu par défaut. Oui, voilà. On en a vu quand même beaucoup des films dans des festivals, etc. Bon, étudiants, des compétitions étudiantes. Il y avait quand même beaucoup de films qui avaient cette espèce de patte parce qu'en fait. C'est une mode en fait. Il y a beaucoup de modes en ce moment. J'en parlais avec quelqu'un. Je sais plus exactement celle que c'est, mais en ce moment il y a un genre de film aussi qui revient à la mode. Un court métrage. Ouais. Mais tu connais, je pense que vous connaissez ça, mais les règles interdites entre guillemets, c'est un peu culte. Dès qu'on est étudiant en cinéma, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, il y a les règles interdites. Oui. Il y a alors, ne pas mettre un clown, ne pas mettre la tête sous l'eau, ne pas saigner du nez, ne pas s'évanouir pour rien, ne pas. Tu vois, parce que en fait, souvent, d'accord, je connais pas ça. Ah non, parce que souvent, dans tous les festivals, le jury se tape, on va dire, 50 jusqu'à 100 courts-métrages. Un clown Mais non, mais c'est vrai, incroyable. Il y a des choses bizarres, comme par exemple le poisson rouge, pas de poisson rouge non plus. Donc, t'as des règles comme ça. Alors, bien sûr, en vrai, tu peux mettre un poisson rouge, mais. Dans la tête du jury, ils connaissent tellement les films qui ont été vus. Donc à un moment donné, quand ils voient sur 100 films 30 clowns, ils en peuvent plus, tu vois. Donc ils mettent, bon, clown, ça c'est bon. Et puis il y a eu ces règles-là. Bon, après, c'est pas oui, marqué dans la pierre. Ouais, tu peux quand même mettre un clown dans ton truc. Est-ce qu'ils ont interdit aussi le... Et là, ils se réveillent, en fait, tout était un rêve. Oui, aussi. Parce que ça va être un truc... c'est la chose dont on a le plus... Ils sont même allés très loin. Ils ont même... Après, c'est un petit fascicule, mais bon, c'est un peu rigolo. Mais ils ont attendu aussi, ils ont mis 3 noms de comédiens. Oui. Parce qu'ils sont dans tous les courts-métrages. Oui. James Smith. Oh, mon Dieu. Non, mais c'est des comédiens français parce qu'ils sont dans 30% des courts-métrages parce qu'ils disent oui à tout. Donc, ils en peuvent plus aussi. Mais bon, c'est assez rigolo. Moi, ça me fait rire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... Pour être un peu plus original, il faut éviter et puis aussi il faut se mettre ses propres règles. Ou alors tu mets un clown en sous-vêtement. Ça peut être quelque chose de plus original. Non, mais tu fais ce que tu veux dans tes soirées, ça me dérange pas du tout. En fait, il y a pas forcément. Je finis juste sur ça, mais oui. Juste il y a pas forcément de règles à respecter. Seulement, bien sûr. Il faut juste le faire à fond et savoir pourquoi on le fait. Voilà, aussi. C'est juste justifier ce truc-là et lui donner une justification qui sert ton film tout simplement et pas simplement un effet de style pour faire un effet de style. On fait pas un film pour faire un film. Voilà, c'est juste le. Ouais, on est d'accord. Tu parles par rapport au propos, au thème. Je parlais surtout de là, tout ce qu'on est en train de parler. C'est. Il n'y a pas de règles, oui, au fond. Ouais, il n'y a pas de choses à ne pas faire. Voilà. Tant qu'on sait pourquoi on le fait. Voilà, il faut juste. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ce que je disais, c'était par rapport au jury des festivals qu'ils n'en pouvaient plus. C'est pour ça. Mais ça me faisait rire. Non, je comprends. Hein. On m'avait raconté ça, c'était assez drôle. C'est un petit peu comme les perles du bac, quoi. C'est exactement ça. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à notre petit jeu des affiches? Bien sûr, je suis prêt à perdre. Allons-y. Alors, est-ce qu'on est prêt? Bon, vous êtes que 3, donc on va aller plutôt vite. Alors, c'est pas difficile, d'accord? Donc là, j'ai une petite liste, donc on va faire un petit peu comme ça. Ah, ça va, celui-là. Celui-là est connu. Un film de l'année dernière. Ok, donc déjà, je vous donne un gros indice. Je vois 5 personnes. Ok, 5 visages. 5 jeunes, plutôt jeunes, ouais. Ah, c'est pas 5? Non. J'aurais dit Labyrinthe, c'était cette année, mais... Non plus. C'est 5 jeunes d'origines différentes, autant que je vous dise. C'est un film. Oui, c'est un film. Okay. Nous avons des mots qui sont écrits. Attendre, espérer, se vanner, aimer, résister. Alors, il n'y a pas le titre dedans. Ok. C'est un film qui a été nominé. Alors, attendez, est-ce qu'il a été. Oui, il a été nominé au César. Plusieurs fois même. Donc, c'est un film cette français. Cette année. Film français. Incroyable. Réalisé par un. C'est pas juste la fin. Ah oui, c'est pas juste. C'est pas juste. Non, non plus. Ouais. Réalisé par un chanteur. On peut dire chanteur ou quelqu'un qui fait du slam. Ah! C'est encore malade. Oui, donc le film c'est. Ah, mais oui, bien sûr. Label UGC, Label Gaumont, Label ouais, Ce Tu Veux. Titre, là. J'ai pas le titre. Le public a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Ça a été plutôt un c'est succès. C'est encore malade, hein, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Comment il s'appelle ce film? Ça raconte sa vie. Je sais plus. Parce que quand à l'hôpital, il y a des. Malade, bien sûr. Non, il y a des... Oh merde. Patient. Oui, patient. C'est patient. Un point pour Solal. Oh, putain, oh là là, celui-là, il a été difficile. Il y a des malades. Celui-là, il a été difficile. Un point pour Solal. Du bout de l'indice. Attention, au suivant, qu'est-ce que je vais vous choisir? Jérémy a un portable rempli d'affiches. Voilà. Oui, c'est ça. Tout le monde ose. Ah tiens, celui-là. Ah oulala, il date celui-là. Au moins 30 ans, je pense, ce film. 20-30 ans, je dirais. Super. Les dents de la mer. Non, c'est un film adapté d'un roman. Donc déjà, ça vous aide. Ok. Américain. Ouais. Avec une grosse star américaine. Ouais. Ok, pour l'instant, ça va. Ce film, il a marqué tout le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est un film populaire, très connu. D'accord. Disons que c'est le film qui passe 3 fois par an à la télévision. Il y a 20 ans. Okay. Il y a 30 ans. Mais 30 ans quand même. Ok, ok, ok. Ah non, peut-être 20 ans. Attends, pour moi, je mets trop, peut-être 20 ans. Ça change tout. Non, pas trop. Pas trop. Recalibrer mon esprit. Ça parle. C'est difficile là quand même, mais ça parle un petit peu de fantasy. Un chouïa de fantasy. C'est une comédie ou pas? Non, pas du tout. C'est un drame. Mais alors là, le drame où tu pleures, où t'es super triste. C'est pas Big. C'est le roman est écrit par un des plus grands écrivains. Stephen King. Oui, contemporain. Ah ouais, je me doutais que c'était quoi ça. Attends, il y a eu plusieurs adaptations de Stephen King. Ouais, bien sûr. Misery. Mais le plus connu. Bah ça. Non, encore non. Plus connu. Je te dis, le film c'est 5 fois par an. Sur Paris Première, après sur TMC, après c'est. À 23h, à 20h50, on nous met 40 fois. C'est avec un comédien le plus connu des États-Unis. Monsieur tout le monde. Tom Hanks alors. C'est Tom Hanks. Tom Hanks. Ouais. Aussi je dis Stephen King. Non, ben non. Tom Hanks. C'est pas Stephen King. Vous me dites. La ligne verte. Oui. Ah mais oui, bien joué. Oh là là là là. Oh que c'est long. Oh que c'est long. Bon, je vais vous mettre des trucs d'il y a 2 mois. Comme ça on est sûr. On va faire ça comme ça. Ouais. Alors attention. Juste inculé, deuxième affiche. Comptez sur ces deuxième affiche. Deuxième affiche. Pas avoir besoin de même. Je sais même pas que c'était lui ça. Allez, ça c'est un facile. Alors ça, si vous trouvez pas, vous êtes quand même, vous me faites peur. Faites du cinéma, c'est pas possible. Ah. Un couple. Ok, j'ai. Non, un couple d'amoureux. Ouais. Mmh. Très connu. Le film. Alors là, je disais 40 fois La Ligne Verte. Là, c'est 60 fois. Là. D'accord. C'est okay. Le film qui a été vu par tout le monde. Smith. Non. France Story. Non, c'est plus récent. Non, je vais donner vraiment l'indice. C'est le film le plus vu au Titanic. Cinéma. Titanic. Oui. Ah bah bien joué. Facile. Bravo, un point pour Vincent. 98. Au suivant, avec. Oh tiens, on va rigoler avec celui-là. Je vois une femme. Une femme guerrière. Une femme. Tom Rider. Oui. Je me suis dit, allez, super. Mettre un truc pour aujourd'hui. Alors, ça attention. Au suivant. Ah tiens, celui-là. Celui-là, ouais, il est connu quand même. Film, je me demande si c'était 1 an ou 2 ans. Je dirais 1 an. Ok, film de l'année dernière. Ou même 2 ans, tu peux me dire. Il a eu beaucoup de prix. Il a été plébiscité par la critique. La La Land ? Non. Il a été... Alors, la tête d'affiche, c'est une des actrices les plus connues en France, et même, on peut dire, dans le monde. Continue. Maintenant, non. Isabelle Huppert. Oui. Elle. Oui. Mais c'est Solal qui l'a dit en premier. Je suis désolé. Un point pour Solal. Hein. Au suivant, qu'est-ce que je vais vous mettre ? C'était il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 2 ans déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Tiens, qu'est-ce que je vais vous mettre comme film? Ah tiens, ça change. Alors là, c'est un blockbuster. Mais pas si blockbuster que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais c'est quand même un film, on peut le mettre dans la catégorie blockbuster. Okay. Il y a bientôt le numéro 2 qui va sortir. Mais là, je parle du numéro 1. Avengers? Non, monsieur. Bah non, c'est le numéro 3 qui va sortir. Ah si, j'ai Deadpool. Non, non plus. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Normalement, quand en été, qu'est-ce qui se passe en été souvent? Il fait chaud, il y a beaucoup de moustiques. C'est un indice vraiment très facile là, normalement. Attends, il y a beaucoup de moustiques, et les moustiques, c'est petit. C'est pas Ant-Man? Oui, monsieur. Ok, je savais pas du tout. Ant-Man. Mais à deux partout là. Non, moi j'ai qu'un. J'ai un petit point. Alors. T'avais marqué un point? Non. Mais oui, c'est si. Ah, tiens. Super. C'est intéressant ce film. Tiens, il n'est pas si facile que ça, mais on va voir si vous allez le trouver. C'est un film français d'il y a 10 ans. 8 ans, 10 ans, on va dire. Ouais. Il est populaire. Il n'est pas si connu que ça, mais il est quand même populaire. Et la tête d'affiche de ce film, c'est une personne qui malheureusement est décédée il y a quelques temps. Un chanteur très très connu en France. Ah, Elvis. Johnny Hallyday. Et il y a un film. Je vais arrêter de dire ce que je pense. Est-ce qu'il y a Lucchini dedans? Oui, monsieur. Ouais, mais je sais pas comment il s'appelle ce film. Je vois. Vous avez le film? Ouais, je sais pas comment il s'appelle. C'est le vrai prénom de Johnny. C'est. Ah, ouf. Ah, voilà. John. Marcel. Philippe. Non, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, bien joué. Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe, avec Fabrice Lucchini, qui est un film très sympathique, très marrant, très, très bien foutu. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Au suivant, film. Tiens, pourquoi pas ça? Allez. Si je vous dis une femme sur une moto qui tire avec une mitraillette, vous me dites. Ah, oui. Terminator? Non. L'autre. Plus récent. Y a pas Mad Max? Non, c'est avec une des stars du cinquième élément. Ah, ouais. C'est le sixième épisode de la saga. Dernier. Merci. Le dernier épisode de la saga. Le sous-titre, c'est Chapitre Final. Ah ouais, Le film qui est sorti l'année dernière, ou il y a deux ans. Un ou deux ans. C'est Mad Max? Avec encore un sous-titre? Non. La saga s'achève. Tu vois ou pas le film américain qui veut te faire vendre le truc final? Star Wars. Non. Non, c'est une saga. Alors, je vais vous en parler parce que j'aime bien cette saga, parce que le premier épisode est vraiment génial. Okay. Ça fait très film indépendant et c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Ok. Et je vous conseille le premier épisode. C'est quoi l'univers foutu. Des gens qui sont debout mais qui normalement devraient être par terre. Sonic. Mario. Non, c'est des morts vivants. Ah. Red Dead Redemption. Non, un jeu vidéo super connu des années 2000. Quand on était gosse, on a toujours joué à ce jeu. On était des personnages, on tirait avec des pistolets sur des zombies parce que on était souvent dans des maisons hantées. On était avec des acolytes et souvent on était dans la mouise totale. Pourquoi on était dans la mouise dans ce jeu vidéo? Parce qu'on n'avait jamais assez de munitions pour buter tous les personnages. Non, on n'est pas là. Zone dedans. La fille elle a des cheveux verts et tout là. Non, pas du tout. Ok, non. Quand tu habites quelque part, tu es domicilié? Non. Résident? Résident de ville. Ouais, bien joué. Oui, c'est vrai. Ça devient pyramide le jeu. C'est pas de l'horreur, ça? Oui. Et c'est avec Mila Jovovich. Hein, Mila Jovovich, ouais. Exactement. Ouais, au suivant, je vais vous trouver un truc. Allez, assez. C'est vrai que vous êtes quand même. On n'est pas très bon. Vous n'êtes pas les meilleurs, sans vous manquer de respect. 2-2, je crois, non, c'est ça? Non, parce que tu comptes encore les points, moi je compte plus. C'est foutu. Au suivant, j'essaye de trouver, parce que ce qui est difficile, c'est de trouver quand même un film connu, quoi, que tout le monde a vu. On peut combiner nos points avec Solal. Calmez-vous quand même, Vu qu'on est un petit peu dans les. Non, ok. On a battu, c'est pas possible. Ah tiens, on va essayer celui-là. Moi, c'est un film qui a été nominé aux Oscars l'année dernière, normalement, ou il y a deux ans. En fait, j'arrive pas à différencier l'année dernière et il y a deux ans, mais c'est pas grave. Le Clash? Je dirais il y a deux ans. Non. L'acteur principal, c'est un des acteurs les plus connus des séries télé. Il a fait deux séries télé, c'est des gros cartons. Il a 50 ans, je pense. Il arrive sur les 60, je pense, quand même. 50 ans. Il a la cinquantaine. Il est beau, quand même. Moi, je le trouve beau, quand même. C'est un bel homme. Donc, gentleman. Ah, non. Une classe américaine. Tout le monde l'aime bien. C'est le tonton qu'on aimerait tous avoir. Et le film, parce qu'il faut trouver le film, hein. Ouais. Le film, ça parle de cinéma. Pendant le code Hays. Oui, je vois très bien. C'est le film des. Y a Scarlett Johansson dedans? Pas du tout. J'adore parce que. Tu pensais à Avec César? Pas du tout. Parce qu'il parle de ça aussi, oui, je crois. Oui, mais c'est un autre. Et cet acteur-là, il a joué dans deux grosses séries? Ouais. Les plus connues? Oui. Ça parle de cinéma. Ah oui, il est plus connu. Hein. Tu dis les deux titres, tout le monde connaît. Mais l'affiche. Parlons-nous de l'affiche. L'affiche, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous parler du film, ça sera plus facile. Ça parle d'un homme qui était scénariste très, très populaire. C'est Birdman? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. On est dans les années 40-50, là, 50, je dirais. On est dans les années 50, il est très connu, mais le problème, c'est qu'on a J. Edgar qui le soupçonne d'être un espion de l'Est. Donc, il interdit d'écrire des scénarios, et donc, il va prendre un autre nom. Et il va écrire des scénarios tout pourraves, mais quand même qui sont bons, mais pour des trucs série B. Il va quand même essayer de gagner sa vie. Et au lieu d'écrire un scénario par an, il va écrire 20, 25 sous des noms différents. Je n'ai pas vu ce film. Voilà. Il faut que je le dise parce que là. Il y a deux ans. Si je vous dis Breaking Bad. Oui. Ouais, ben on a l'acteur du coup. Oui. Il n'y a pas un film qui. Non, pas du tout. Vraiment pas d'acteur, moi je connais bon, pas. Bon, je vous donne la réponse. Dalton Trumbo. Oh, jamais. Alors là. Ouh là là. Mais moi je vous conseille parce que le film. Le film n'est pas extraordinaire. mais le sujet est très intéressant. Ok. Bon, je vais vous prendre vraiment un truc alors d'un niveau encore plus élevé alors. Star Wars. Avatar. Allez, pourquoi pas celui-là ? Tiens, ça me fait marrer. C'est le 5e épisode d'une saga. Star Wars. Non. Non, je vais pas non plus te donner la réponse. Star Wars, Taxi. Eh, on n'a jamais pris autant de temps pour ce jeu, mais bon. C'est vrai. On va dire que c'est la dernière réponse, taxi, d'accord ? Taxi, c'était pas mal, non ? Peut-être. D'accord. Taxi 5. Oui, taxi, ça, c'est 5. La bonne réponse. Bien joué. Bravo. Wow. Quel suspense. Ah tiens, allez, un très connu et puis ça sera le dernier. Ouais. Film français. L'un des plus connus à l'étranger. Tout le monde en parle. Non. Amélie non. Poulain. Oui. Allez. C'est bon, ça c'est validé. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est la bonne réponse. On va parler très rapidement des news avant de parler de Tomb Raider. Oui. Je voudrais vous parler d'OSS 117.3. Michel Zanavicius, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Parce qu'il a lu le scénario et il s'est dit tiens, c'est vraiment de la merde, donc je vais pas le faire. Je le dis en vulgairement, mais c'est ce que ça veut dire. Donc il a refusé l'épisode 3, mais je pense que Jean Dujardin a validé l'épisode 3. Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça sent que ça va être moite-moite? Est-ce que ça sent qu'il faut pas aller le voir? Quand le réalisateur change lorsque c'est l'épisode 3, est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'il n'a pas accepté parce que il n'a pas envie de le faire, ou est-ce qu'il n'a pas le temps de le faire? Parce que moi j'ai surtout il vu. Il n'a pas aimé le film. Le scénario, pardon. Moi j'ai surtout vu qu'en fait il faisait un autre film en ce moment. Et on donc, est d'accord, mais il a aussi surtout lu le scénario, il a dit que c'était pas effectivement, bon. Effectivement. Peut-être aussi qu'il a demandé une promotion et qu'il ne l'a pas obtenue. Et qu'il crache dans la soupe, c'est ce que tu es en train de dire. Tout est possible en fait. En fait, vous êtes les enquêteurs les plus pourras du monde. Ils me mettent toutes des hypothèses. En fait, on passe au sujet suivant, vous en avez rien à foutre en fait, ça, tu peux pas te... Non, effectivement, c'est mauvais signe, mais on sait pas ce qui se passe exactement. C'est mauvais signe. Merci. Le scénario n'était pas peut-être aussi mauvais que ça, mais qu'il y a d'autres raisons était en désaccord avec la prod. On demande à voir en tout cas. Merci. Oui. Merci pour cette analyse. En tout cas, faut se méfier des suites en général. C'est vrai. Voilà. En fait, le souci avec OSS 117.3, c'est qu'il a fait donc des blagues sur les Chinois, les Américains, les Russes. Qu'est-ce qui reste? Les Juifs. Pour faire des blagues racistes, ça va être compliqué. Juifs, Ouh, je pense que les Juifs, ils passent à un moment donné, je sais pas quand, mais... Peut-être, ouais. Ouais, oui, il y a eu les nazis, donc probablement, ouais, voilà. Il y a dû avoir une ou deux phrases. Je pense, oui, ça dépendra beaucoup de la James Bond Girl, entre guillemets, aussi. Oui, ça attire pas mal de spectateurs, effectivement. C'est vrai. Kristen Stewart va jouer le rôle de Jen Singberg. Pour savoir qui elle est, c'était l'actrice dans À bout de souffle, la partenaire de Belmondo. Mmh. Et elle a fait d'autres choses, elle a joué aussi Jeanne d'Arc, elle a eu une grande carrière. Donc Kristen Stewart, en fait, pourquoi je parle de cette news-là? Parce que c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais ce qui m'intéresse, c'est Kristen Stewart dans le cinéma, entre guillemets, français. Parce que quand même, elle a réussi à s'intégrer dans notre cinéma à nous, mmh. Avec Asayas, avec plusieurs... C'est un personnage chopper, ça. Exactement. Ouais. Et dans aussi Sis Maria. Et est-ce que ça vous intéresse, des acteurs américains ou même des acteurs étrangers qui intègrent le cinéma français? Moi j'ai envie de dire la France aux Français. Non, je fais ça. Tout le monde dehors. Vu l'actrice, moi je suis content qu'on puisse la voir dans des films français parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Après, bon, John Singberg, je sais pas exactement parce que, enfin, déjà je trouve qu'elle lui ressemble pas forcément. C'est bête, mais enfin, c'est ce qui me vient en premier. Et comment il démonte un film alors qu'il est même pas encore réalisé? Tu te rends compte, il n'y a pas de tournage, il n'y a même pas peut-être un euro dessus. Après, peut-être qu'elle va se couper les cheveux et se teindre en blonde. C'est le principe d'une actrice en même temps. Probablement des perruques. Peut-être qu'elle lui ressemble un peu plus. C'est le principe du maquillage et de... Mais bon, à voir. C'est une actrice que j'aime bien, donc dans tous les cas, je crois que j'irai voir le film. Il nous fait une analyse, j'adore. Solal. Mais moi j'aime bien cette actrice parce que bon, elle a fait Twilight, elle s'est fait découverte grâce à ça, mais après c'est les prochains films qu'elle a fait, enfin les films suivants étaient plutôt dans des films indépendants et ça marchait plutôt bien en fait. Enfin, moi je l'ai vu dans 2-3 films et elle est quand même assez convaincante et au cinéma français, bah pourquoi pas. Après ça se fait beaucoup en ce moment d'importer entre guillemets des acteurs je crois que c'est souvent américain. Mais ce qui est assez drôle, c'est que Robert Pattinson, donc le partenaire de Twilight. Non, il a la même carrière en fait. Ouais. Il fait beaucoup de cinéma indépendant aussi. Il a ce même filon. Très très indépendant. Il est pas si mauvais au final. Je l'ai pas trop vu ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il a fait Oh là là, comment tu t'as démonté le film OSS 117.3, t'as démonté le film pour Jensenberg et t'as démonté le film. Non, je démonte pas un film que j'ai pas vu, mais. Non, tu le fais avec délicatesse. Ça fait partie vraiment d'une stratégie aussi d'acteur, enfin, un plan de carrière plutôt, j'ai envie de dire, plus qu'une stratégie. Kristen Stewart, elle a vraiment envie de faire des films de qualité, enfin, de qualité selon elle. Hein. Et du coup, je trouve que la démarche était intéressante parce que ça, elle a l'air d'être une démarche intelligente. Mmh. Après Robert Pattinson, bon, moi j'ai plutôt cru comprendre qu'il souffrait un peu là en ce moment, enfin à part d'être égérie de d'une grande marque, je sais plus laquelle c'est, hein, pour un parfum. Enfin, je crois qu'il a un peu de quoi être jaloux de son ancienne partenaire, surtout que elle a quitté parce qu'il ne La News People. Non, les potins. Non. Non, il n'a pas bu, je vous rassure. Non, juste quand même un petit détail très intéressant. Quand même, le tournage d'un film américain et le tournage d'un film français, ce n'est absolument pas les mêmes règles. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi les acteurs ou même des moments, des réalisateurs, des auteurs viennent aussi faire des films français. C'est aussi parce que la mécanique n'est plus la même. Parce que nous, on est très centré sur l'auteur, sur l'écriture, sur le chef. Moins de budget aussi. Ouais, c'est exactement. Et l'Europe reste un espace de liberté. Exactement. Liberté qui se perd peut-être de plus en plus aux États-Unis, où on le sait, bah, les lobbies, les grosses machines à sous dirigent un peu le milieu du cinéma. Quoi. Je suis un petit peu mitigé par rapport à ça parce que malgré tout, il y a un cinéma indépendant américain qui subsiste et qui est assez fort. C'était Weinstein. Ouais, donc, ouais, mais je pense qu'il y en a quand même qui s'exporte moins en France. Voilà, et nous, on avait aussi ce côté-là, on est en train de se faire aussi bouffer par les comédies françaises, tu vois. Donc il y a quand même. Je pense que dans les deux, je pense que le cinéma indépendant américain et le cinéma français qu'on connaît aussi indépendant au final fusionnent un peu. Sont un peu liés. Oui, mais en même temps, il y a aussi des règles à respecter qui sont assez différentes quand même dans un tournage américain par rapport à directeur de la photographie, à tous les postes. Parce que, par exemple, en France, un réalisateur, ou par exemple, s'il s'y connaît dans la lumière, etc., il peut se permettre de toucher un petit peu, il demande quand même un petit peu comme au chef-op, mais il peut se permettre de trifouiller un petit peu partout. Alors qu'aux États-Unis, c'est juste interdit. Tu touches à une caméra, tu as un PV et tu dois payer $50. Donc c'est quand même juste extraordinaire. Alors que le réalisateur voudrait juste déplacer d'un millimètre la caméra et il se dit attends, mais je vais pas appeler un gars qui est à l'autre bout de la salle, j'en ai pour 5 minutes pour bouger de 1 millimètre, alors que je pourrais le faire en le poussant. C'est hyper rare. Il y a un héritage différent. Exactement. J'ai envie de te dire, c'est encore une fois, c'est effectivement ça va être le cas pour les grosses productions, mais quand tu reviens dans des cinémas un peu indépendants, même si effectivement en Amérique c'est beaucoup plus effectivement structuré, comme tu dis, il y en a qui nous ont déjà dit ça. À mon avis, tu vois, dans les petits films indépendants, ça doit être quand même plus, tu vois, plus à la française entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, tout simplement. Puis c'est historique, hein, c'est une question de budget, c'est je crois. Une question de culture aussi, puisque là, pendant que aux États-Unis il y avait ce cinéma, j'allais dire, mais oui, c'était du cinéma, autour des studios, créer des stars, des grosses productions qui arrivaient. Bah, pendant qu'il se passait ça aux États-Unis, en France c'était la nouvelle vague en gros. Oui, voilà. Donc, oui, c'est vraiment les deux extrêmes. Non, mais vraiment un héritage aussi, différent. Parce que si on fait l'histoire du cinéma, on était pendant l'après-guerre, on a eu des films, alors Truffaut. Je crois que c'est Truffaut qui disait des films à papa, dans le sens où c'était des films un peu toujours faits de la même manière, très dans le classicisme. Et c'est pour ça que la nouvelle vague est arrivée, parce qu'on voulait mettre un petit coup de poing dans et tout ça. On sortait de la guerre, et puis il y avait mai 68, donc il y avait vraiment un gros besoin de liberté. Donc c'était aussi une recherche artistique aussi dans tout ça. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, ils étaient plus aussi dans une certaine perfection, alors de tout ce qui était technique, on peut dire ça comme ça. On peut dire que c'est l'artistique contre la technique, entre guillemets. Mais bon, après, bien sûr, comme tu disais, si tu vas au Sundance Festival, il y a quand même des choses très intéressantes et équivalent au cinéma français. Et puis beaucoup d'Américains aussi aiment beaucoup le cinéma français pour ça, pour cette liberté aussi qu'on a. Ouais, puis il y a l'inverse qui s'est créé, par exemple avec les films comme comment il s'appelle ce film avec le masque, avec les masques. The Mask. Non. Qui est sorti très récemment. Albert Dupontel, tu veux dire. Au revoir là-haut. Je suis désolé, je perds mes références, mais. C'est pas grave, tu reviendras pas la semaine prochaine. Pas de souci. Non, je plaisante. Mais par exemple, son cinéma, enfin en tout cas avec ce film-là, il est très américanisé d'une manière générale. Ah non, pas du tout. Ah, je suis pas d'accord. En termes de réalisation. Ah non, ah bah alors là, attends, j'arrive. Non, il fait un cinéma des années, on peut dire 40-50, dans ce classicisme-là, avec de la poésie, de la nouvelle vague. C'est un mélange un peu de tout ça. Ah ouais, moi j'y voyais un genre de surplus technique qui me faisait vraiment penser au cinéma américain. Moi, pour moi, par exemple, un film comme Seul, qui avait l'adaptation de la bande dessinée, ça, alors, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai vu, ça me faisait penser à un film teenager américain. Ça, oui, c'est à l'américaine. Un film, il y en a d'autres, hein, mais là je les ai pas en tête, mais il y a des films français, oui, c'est typique américaine, mais je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé. Je pense plus qu'il fait un cinéma français un peu à l'ancienne. Plus qu'un film américain. Ça me paraissait vraiment l'inverse pour le coup. Ouais, avec tout ce mélange, hein, de toute façon, oui, ça reste de l'image, donc ça dépend beaucoup de la réception du spectateur. Hein, non, bien sûr, mais ça me paraissait être une histoire française avec des moyens américains en fait. Avec une... Alors les moyens, oui, dans le sens où il y a quand même beaucoup de budget, donc on se dit on peut se permettre avec des effets spéciaux. Mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas totalement. Ouais, non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, allez voir le making of de ce film, il est juste taré. Voilà. On peut faire un très très beau film à l'américaine, comme dit Daniel, avec des sous-français, quoi. Voilà. Bon, faut dire qu'il a une posture particulière du Bontel, mais c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Voilà. Merci pour cette petite information. Petite info, alors très rapide. Musée Georges Lucas va ouvrir en 2020-2021 normalement. Il y aura bien sûr des maquettes, des objets, des photos, des images, des archives de tous les films de Georges Lucas ou des productions de Georges Lucas, avec aussi des films anciens comme Magicien d'Oz et 10 commandements. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Dites-le moi, dites la vérité. Alors moi, Star Wars, ça m'a jamais... Alors c'est horrible de dire ça parce que beaucoup de gens aiment, mais j'ai jamais trop adhéré en fait. Ouais. Je crois que j'ai vu un petit peu trop tard les films et c'était beaucoup très long tout ça. Et puis aujourd'hui c'est devenu une espèce de comment dire des gros blockbusters qui font à chaque fois énormément d'entrées, même si ça reste du spectacle. Hein, mais c'est pas le film qui me fait vraiment, enfin c'est pas le genre de film qui me fait envie d'aller au cinéma. Voilà, tout simplement. Je peux comprendre. Daniel? De même, moi j'ai jamais été très emballé, alors après je suis moins fan de la science-fiction que du fantasy d'une manière générale, mais Star Wars pareil, en fait je l'ai vu trop tard je pense, puis je l'ai vu dans l'ordre hérétique entre guillemets, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et puis ouais, je pense que c'est au milieu du 2 que j'ai décroché, enfin même au début, parce que bon, il y avait ce côté-là un peu trop, d'une manière générale. Et bon après, c'est question de goût. Voilà, j'ai pas accroché. La musique est juste incroyable. Ça, c'est un débat différent. Mais donc, le musée, disons qu'il y aura probablement peu de choses qui seront proches de mon univers dans ce musée-là. Mais pourquoi pas, il ouvre où? Il ouvre aux États-Unis, alors j'ai pas la ville. En plus, c'est un peu loin. Du coup, on pourra pas y aller. Parce que t'as cru que ça allait être à Porte de Versailles. Non, mais faut pas rêver non plus. Parce que là, il a mis les moyens de dingue. Hein. J'ai vu juste la photo de la maquette. C'est vraiment, je pense, c'est aussi grand que notre cinémathèque française. Peut-être trois fois plus grand même, en fait, on peut dire ça comme ça. Non, c'est quand même assez gigantesque. En tout cas, en France, on peut voir le musée des miniatures et décors de cinéma à Lyon. Un musée que je vous recommande vivement. Merci beaucoup. Musée. Merci beaucoup. Non, c'est très intéressant ce que tu me dis. Et aussi, aussi le cinéma, le Festival Lumière aussi à Lyon, qui est très très bien. Oui. Très très intéressant. On enchaîne avec Tomb Raider. Qui l'a vu autour de cette table? Deux personnes. Nous commençons par Vincent, parce que c'est un peu son job quand même, de faire le résumé de cette histoire. Alors, Tomb Raider, donc évidemment, c'est une adaptation du jeu vidéo avec Lara Croft. Et donc, Lara Croft est une archéologue, fille d'archéologue. Et dans cette adaptation-là, ça semble être vraiment les débuts de Lara Croft. J'ai pas vu les deux autres adaptations du jeu vidéo. Et donc dans ce film, ça part comme ça. Elle découvre un peu le passé caché de son père, qui était un peu un archéologue secret. Et elle se lance sur sa trace. Voilà. Il a disparu et donc elle se lance dans une affaire apparemment qui était sa dernière grande affaire. Et qui a causé sa disparition. Voilà. D'accord. Solal, tu es allé voir ce film. Dis-nous ton avis. Alors, peut-être pas un avis général tout de suite, mais déjà, commençons par l'actrice. Est-ce qu'elle t'a bluffé? Est-ce que t'as trouvé ça plutôt sympa? Alors, déjà, ou un peu raté? Ouais, alors l'actrice joue très bien. Moi, je l'aime beaucoup, ce ouais. film. Et ne serait-ce que pour l'actrice, en fait, c'est intéressant parce que j'ai vu un des Lara Croft anciens. Je veux pas rendre Angelina Jolie. Et ici, il dépeigne un personnage beaucoup moins sexualisé, en fait. Et donc du coup on a un côté plus brut, parce qu'elle se prend quand même pas mal de choses dans la tête hein, au final, c'était Lara Croft. Et donc c'est on va dire ce côté là du personnage est très intéressant, et puis ça va très bien dans ce que je disais tout à l'heure à Vincent, ça va très bien dans notre société actuelle qui a besoin de remettre un petit peu la place au cœur des discussions et au cœur de... Enfin. Au quoi? La femme au cœur des discussions. La place ouais. de la femme. La place de la femme, oui. Ouais. Enfin, ouais, même oui, je veux dire le personnage féminin. Le personnage féminin, parce que là, ça parle quand même d'un personnage qui est fort quand même. Tu vois, il on va dire qu'elle est pas enragée, mais elle est déterminée et elle est vraiment au milieu de l'histoire et elle a un côté très très brut qui est très appréciable et qui n'est. Et on arrête de la juger sur son physique aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Et en fait, je dis ça, et à l'inverse, sur Twitter, en ce moment, il y a énormément de débats sur... Regardez, elle n'a pas de forme. Parce que c'est aussi que c'est parti, je pense, du jeu vidéo. Oui. Il y a énormément de mecs qui jouaient à Tomb Raider juste parce qu'ils trouvaient que Lara Croft était trop bonne. Quoi. Non, mais c'est un truc de malade. Sans doute, ouais. J'ai un oncle, en fait. Salut, tonton Pierre. qui jouait à Tomb Raider parce qu'il kiffait Lara Croft. T'avais même un code, mais il faut savoir qu'il y a même un code pour la voir nue. Oh non, mon Dieu. Nickel. Voilà. J'ai jamais joué à Tomb Raider. Oui. Bien sûr, rien plus. Non, mais alors, c'est quoi l'histoire vraiment de ce film alors? Est-ce que vraiment il y a une intrigue intéressante? Est-ce que, juste une question, est-ce qu'il y a une fin? Ou est-ce qu'il y a To Be Continued? Ah oui, non, mais il va y avoir une suite, ça c'est évident. Ouais. Il faut savoir que Tomb Raider, c'est l'adaptation de jeux vidéo qui a ramené le plus d'argent. Aux États-Unis et dans le monde. Hein. Mm-hmm. Jusqu'en 2016, c'était même l'adaptation tout court, donc de toute œuvre confondue, qui avait été la plus rentable. Hein. Et non, il y a une intrigue, et puis, comme tu disais, Solal, c'est bien d'encourager les figures féministes qui sont peut-être pas aussi répandues qu'elles devraient l'être. Et juste pour une petite anecdote aussi, j'ai vu en préparant l'émission, c'est que dans les premiers Tomb Raider, à un moment donné, on voit la photo de la maman de Lara Croft, et c'était l'actrice qui jouait Wonder Woman dans la vieille série. Donc c'est vraiment une figure féministe aussi. Donc je crois que dès le début, c'est aussi une démarche assumée. Alors c'est un bon film, un bon blockbuster en quelque sorte, mais c'est pas non plus fou. Le scénario il est quand même très facile, et tu parlais de la fin notamment, et ben la fin elle est juste, enfin elle est pas insensée, mais je veux dire elle est trop quoi. Ils ont, enfin c'est fait. On est d'accord, mais on en parlait tout à l'heure. La fin est beaucoup trop exagérée. Elle est grosse. Enfin c'est pas du tout fin comme histoire, et la fin est en fait, non je vais pas trop en parler, mais en gros c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent le voir, mais il faut vraiment qu'ils fassent des efforts à ce niveau-là, je trouve, parce que c'est, alors moi je suis pas du tout dans ce genre de film d'habitude, mais du coup je suis pas vraiment un bon je peux pas vraiment vous conseiller là-dessus, mais non, mais même dans tout le film il y a vraiment des actions qui sont un peu trop grosses quoi. Enfin tu dis non là c'est pas possible. C'est un peu kitsch de par moment. C'est un peu pas mal fait, mais je dirais non, plus grosse incohérent. Ficelle, plus incohérent. Enfin ouais. Après c'est le genre de film où on s'attend à ce genre de dérapage, hein, on va dire. Enfin. Par contre, tu parles de grosses ficelles, mais par contre, il y a énormément de décors réels, et ça, c'est très appréciable. Le making-of, encore une fois, montre énormément de décors réels. Tu t'appelais Weekend. Ah ouais, mais toujours. Dès que je vois un film, je vais voir le making-of, et là, effectivement, il y a énormément de décors naturels, et beaucoup moins d'effets que ce dont je pensais avant de voir le film, en fait. Et ça fait du bien de voir des. Enfin, je me dis, le caméraman, ça y est, il peut filmer autre chose que du fond vert, quoi. Je pense, oui. Mais alors, quel est le principe de cette nouvelle saga? Est-ce qu'il y a vraiment un principe? Est-ce qu'il y a un méchant? Est-ce qu'il y a un univers vraiment élargi? Il y a une, ou y a, alors c'est juste faire un film pour faire un film? Sur le blockbuster, c'est compliqué de dire ça, mais il y a un méchant, quelque sorte. Enfin, c'est plus un groupe. C'est plus simple d'ailleurs de faire ça. Si vous n'avez pas d'idée, faites un groupe de méchants, c'est plus simple. Là, ça s'appelle l'Alliance. Et donc, ils ont instauré ce truc-là de. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est Trinité. Trinité, excusez-moi. Et c'est un triangle. Et la Trinité a comme mission d'essayer de. Il me semble, tu me dis, Vincent, si je me trompe, mais. D'essayer de récupérer les trucs un peu. Comment dire, les objets sacrés, le supernaturel. Essayer de contrôler le supernaturel. Ah, d'accord, c'est ça. Et voilà, c'est son but. Donc, Le surnaturel, on va dire. Supernatural. Supernatural. C'est surnaturel. Surnaturel, c'est supernaturel, mais c'est pas trop la voilà, traduction. Ça reste un peu flou, d'ailleurs. On a du mal à comprendre un petit peu ce qui. Vous m'avez pas l'air épaté. Et... Non! C'est parce qu'on a l'impression que c'est un film quand même platonique. Parce que de ce que vous me dites, ça m'a pas l'air d'un truc où on fait waouh. Non, on fait juste ah bon, bah c'est un platonique. Tu l'as pas vu toi, Jérémy, du coup? Non, j'ai pas eu le temps. Mais ça me donne pas envie, je vous avoue. Non, mais déjà, est-ce qu'on parle quand même de cette promo qui est un peu quand même tout pourrave? Parce qu'on a quelques images, on sait pas de quoi ça parle. On a juste une affiche. On a l'impression que c'est une affiche des. On dirait, non mais sans être méchant, mais on dirait une affiche genre Sharknado. Genre, tu sais, très mal faite, avec une pseudo-guerrière en mode attention, je suis une aventurière. Je trouvais que. Tu parlais de la place de la femme. Là, je trouvais que c'était cliché. Là. Franchement, j'avais déjà vu ça en fait. Il y a rien de nouveau. C'est pas fin. C'est pas. Tu vois, tu peux adapter par exemple ce jeu vidéo, mais tu penses que tu peux travailler quelque chose de différent. Dans la communication, c'est un autre enjeu. Mais dans le film, tu retrouves quand même ce côté-là un peu féministe. Mais mais dans la communication, effectivement, je t'avoue, j'ai pas trop regardé ce qui se passait. La bande-annonce, je l'ai à peine vue. Et je suis vraiment à la scène. Non, mais soir. C'est vrai que c'est pas une promo très extraordinaire. Ils ont pas fait beaucoup de travail dessus. En France, je veux dire, après, je sais pas si à l'étranger. Et puis, non, et pour reparler de ça aussi, c'est le choix de l'actrice. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup l'actrice. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. On l'a vu dans Danish Girl. Ouais, elle était vraiment très bien. Très, très, très bien. Et aussi dans un autre film, si vous pouvez m'aider. Oui, Ex Machina aussi. Sublime. Elle a joué dans un Jason Bourne, je crois, un truc comme ça. Et elle était pas c'est mal. Possible aussi, ouais. Mais en même temps, je suis. Quand tu vois le personnage du jeu vidéo et elle, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, physiquement, déjà, il y a un souci, même si elle va prendre du muscle, même si il y a un problème dans le choix déjà de l'actrice au départ. Bon après, ouais, pourquoi je trouve pas. Aussi. Moi, je l'ai trouvée beaucoup. C'est bizarre, mais je l'ai trouvée beaucoup plus forte dans Danish Girl, par exemple, que dans Lara Croft. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'elle apporte une douceur, une féminité, mais une faiblesse aussi tout ça. Une faiblesse, vois, ouais. Mais du coup. Elle fait jeune fille. Elle fait jeune fille, ouais. Mais du coup, dans Tomb Raider, elle fait vraiment un peu gamine, oui. Oui. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'ils ont travaillé exprès sur cette piste-là parce que c'est le début tout début de Lara Croft. Enfin, je suis pas un spécialiste de Lara Croft, mais j'imagine que c'est vraiment le début de sa carrière de tueuse, on va dire. Donc, peut-être que c'est fait exprès, mais. J'ai pas vu Angelina Jolie, mais je crois qu'Angelina Jolie, on la voyait plus, à mon avis. Elle devait envoyer du lourd, je pense. Et aussi, pour petite explication pourquoi Angelina Jolie dans les premiers épisodes, c'est que le jeu vidéo était basé sur son corps à elle et sur son physique à elle. Ah bah, c'est vrai. Ça joue beaucoup aussi. C'est vrai, ça, je me rappelle. Et c'est la première fois qu'on la voyait au cinéma, il me semble, hein, Angelina Jolie. Enfin, dans un gros film. C'était ses débuts, oui, je crois. Ouais. Il me semble bien, oui. C'était ses débuts dans le blockbuster américain, je crois, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'avant, c'était plutôt des films un peu indépendants. Puis elle était mannequin, je crois, un peu. Et puis il y avait même Gérard Butler aussi, le monsieur dans 300, le monsieur qu'on voit un peu dans les blockbusters de ces années-là. Il était aussi dans les premiers Tomb Raider. Juste pour conclure, on peut dire que c'est un film, on va le voir, on passe un petit moment sympathique, on va pas le voir, on passe aussi un petit moment sympathique chez soi. C'est ça, c'est un petit blockbuster sympa, ça casse pas trop bien un canard. Mais on appelle ça le film du dimanche. Exactement, bah tout à fait. Je passe un bon moment quand même, mais allez voir un Disaster Artist. Est-ce que vous êtes allé voir autre chose peut-être au cinéma là récemment? Oui, moi je suis allé voir Ghostland. Oui, le film d'horreur qui a eu le grand prix à Jarmé. Oui, alors moi avec Mylène Farmer. Oui, voilà, donc j'ai eu la surprise. Pourquoi? Donc, en même temps, tu savais pas qu'il y avait Mylène Farmer dedans. C'est un film d'horreur, donc on peut s'y attendre. Mais non, je suis méchant. Non, moi je suis un gros fan de films d'horreur. Je me sens pas du tout à voir Mylène Farmer. J'aime bien aller voir les films sans me renseigner là-dessus pour avoir vraiment une grande surprise. J'ai eu un peu peur. Non. Franchement, elle est bonne actrice. Bon. Vraiment, c'est pas un film d'horreur qui casse la baraque. Hein. Mais bon, ça vaut le coup d'œil. Et puis, c'est un film d'horreur franco-canadien. Donc, il faut les soutenir. Mais pour le coup, j'ai été surpris en découvrant ça parce qu'on dirait vraiment un film américain. Ils ont repris tous les codes de l'horreur à l'américaine. Les Comedy Jam jouent en anglais. Mylène Farmer y compris, bon, de temps en temps elle parle en français, donc c'est un petit clin d'œil assez agréable. Il est original, il reste original. Je peux pas dire pourquoi, mais au milieu du film il y a un énorme tournant. Voilà, il y a un énorme tournant au milieu du film, donc du coup il se démarque des autres films d'horreur, mais c'est pas le film d'horreur. Je reviens juste par rapport au spoil pour vous faire plaisir. Quand je vais refaire le montage pour poster ça, j'enlève mon spoil de votre court métrage. Tu vas donc enlever à peu près toute la discussion. On est d'accord. Tu mets juste une annonce. Non, je vais juste. Voilà, on va sentir qu'il y aura une petite coupe, mais ça va passer. Tu mets une annonce avant, aller voir le film. C'est ça. Ou non, je te fais un petit truc en rouge spoil. Tu vois, genre coupe spoil. Pour la semaine prochaine, il faudra qu'on aille voir ensemble Mektoub My Love Canto Uno, le nouveau, parce que j'ai pas son nom en tête, mais toi, merci beaucoup. Normalement, je me suis renseigné, il va en faire deux ou trois de cette saga, entre guillemets, si ça marche, bien sûr. Apparemment, il veut suivre l'acteur principal jusqu'à ses 45 ans, donc je me suis dit, ça va être chaud pour jouer. Il veut nous faire un boyhood. Il veut nous faire un boyhood à la française, en fait. Ouais. Parce que le film Boyhood qui suivait des acteurs pendant 12 ans. 12 ans, ouais, c'est ça, je crois. Ouais, où chaque année, il tournait, je crois, 3 semaines ou 2 semaines. De vie. Ah oui, sur le même thème alors, d'accord. Ouais. Non, après le thème est assez différent. Là, c'est sur la jeunesse, les amours de jeunesse, entre guillemets. Mmh. Ça fait un thème assez général. Merci beaucoup d'avoir participé, Daniel et Solal. On vous souhaite que du bon et que du bien pour vos courts-métrages. Vous en avez fait combien en tout? Parce que pour juste conclure. Je crois qu'on en a fait en tout 12. Waouh! Déjà, ça c'est. Ils sont tous visibles sur YouTube? Quasiment, ouais. Ouais. Sur la plupart, en tout cas. Ce sont des 48 heures, donc. D'accord. Et d'autres arrivent. Donc, le prochain, vous avez dit, entre guillemets, c'est une fable pour enfants. Un peu comme. Normalement, ouais. Un conte, entre guillemets. Pas vraiment pour enfants, du coup. Mais... Ouais, c'est ça. Un truc le but, c'est que ce soit pour tout. En fait, que ce soit lisible par un enfant et par un adulte. Par une autre. D'une autre façon. Toujours des festivals ou. Est-ce que vous changez? Parce que vous faites beaucoup quand même les festivals 48 heures, 100 heures, etc. Non, là c'est un. Vous faites. Enfin, si, en fait, c'est plus ou moins pour un festival, mais c'est pas vraiment un festival, puisque c'est un événement particulier, c'est un ciné-concert, puisqu'on va projeter, mais Daniel va en parler, on va projeter des films dans une salle de cinéma, avec la musique qui sera jouée par des musiciens en direct. Ça, c'est quand même assez classe. Et c'est quand, Daniel? C'est le 22 mai. Ça sera au Balzac sur les Champs-Élysées. Donc venez. Ah, mais avec grand plaisir. On le dit d'une manière en mode, ce sera au Balzac sur les Champs-Élysées. Bah, on est fiers. Bah, mais c'est normal. Il faut. Mais voilà, on bosse dur pour que ce soit le très mieux possible. Très bon cinéma, le Balzac en plus. Ouais. J'aime bien. Non, qui est un peu en difficulté. Donc en plus, ça fait un moyen de l'aider. Ok. Ouais, ils virent les trois quarts du personnel. Ah oui, quand même, à ce moment-là. Dont la dame qui nous a programmé, si elle nous écoute. Ah oui. Ouais. Donc bon. Bah, on leur souhaite bonne chance pour leur futur quand même. Mmh. Et puis pour vous aussi, donc ce ciné-concert, ce court-métrage en préparation, est-ce qu'il y a un gros projet secret qui est en préparation aussi ou pas? Il y a un énorme projet secret dont on ne parlera pas du tout. D'accord, ce sera secret. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Vincent. Oui, je voulais juste te dire un dernier mot. Non. Vas-y. Pour soutenir justement le cinéma indépendant, allez au DOC, c'est un squat légalisé, hein, donc rien d'illégal, qui propose de très belles séances de films très originaux. J'ai découvert ça dimanche dernier. Tous les dimanches soirs, il y a une projection. J'ai vu l'éclipse d'Antonioni, que je connaissais pas du tout. Donc, allez-y, c'est sympa. Merci beaucoup pour tous ces bons plans. Au revoir, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.